J'ai se dit tengo. Tengo. Et je l'ai lo tengo. Lo tengo. Et je ne l'ai pas no lo tengo. No lo tengo. D'accord. Pour dire vous avez à quelqu'un que vous voyez, en espagnol, on dit tiene. Tiene. Qui s'écrit T-I-E-N-E. Tiene veut dire vous avez. Bien sûr, vous pouvez dire usted tiene pour vous avez. Mais tiene tout court suffit. Si vous vous adressez à une personne que vous voyez, tiene tout court sera compris. Et si vous voulez dire qu'est-ce que, hein, qu'est-ce que se dit que. Que, qui s'écrit Q-U-E avec un accent aigu sur le E. Que. Comment direz-vous qu'est-ce que vous avez? Que tiene. D'accord, mais on a une voyelle à la fin, donc il faut accentuer l'avant-dernière syllabe. Tiene. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous avez? Que tiene. Bien, que tiene. C'est ça. Hein? Vous pouvez même insister plus nettement sur la syllabe accentuée. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Que tiene. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez le redire? Que tiene. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi? Se dira que tiene pour moi para mí. Que tiene para mí. C'est ça. Que tiene para mí. Alors, encore une fois, comment dit-on j'ai? Tengo. Encore une fois. Tengo. C'est ça. Tengo. Je l'ai. Lo tengo. Lo tengo. Et je ne l'ai pas. No lo tengo. Bien, no lo tengo. Vous avez se dit tiene. Encore une fois, un peu plus fort. Tiene. Tiene, c'est ça. Tiene. Qu'est-ce que vous avez? Que tiene. Bien, que tiene. Et encore une fois, je l'ai. Lo tengo. Lo tengo, c'est bien ça. Et vous avez? Tiene. Encore une fois. Tiene. Tiene. Hein? Tiene. Et vous l'avez sera? Lo tiene. C'est ça. Lo tiene. Comment direz-vous est-ce que vous l'avez? Lo tiene. D'accord, lo tiene, hein, c'est la même phrase, hein, mais avec l'intonation propre à une question. Et vous ne l'avez pas? No lo tiene. No lo tiene, c'est ça. Donc, du coup, comment direz-vous? Ne l'avez-vous pas? No lo tiene. Très bien, no lo tiene. Et là encore, vous utilisez l'intonation propre à une question. No lo tiene, hein? Ne l'avez-vous pas? Et comment vous allez me dire pourquoi est-ce que j'en ai besoin maintenant? Bah, parce que c'est urgent. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Porque. Porque, oui, j'en ai besoin. Lo necesito. Lo necesito, hein, c'est ça. Maintenant. Ahora. Ahora. Ahora. Parce que, hein, c'est la même chose que pourquoi, hein, bien que ça s'écrive différemment. Por qué. Por qué, hein, c'est ça, en un seul mot. Tandis que pourquoi, c'est por qué, en deux mots et avec un accent aigu sur le E. Alors, por qué en un seul mot, parce que c'est urgent. Por qué es urgente. Urgente. Urgente. Hein? C'est comme si vous racliez la gorge. Hein? C'est un raclement de gorge que l'on entend. Urgente. Avec le R aussi. Bon. Urgente. Urgente. Hein? D'accord. Donc, ¿por qué es urgente? ¿Por qué lo necesito ahora? Porque es urgente.